Alaka ye que bakotika ye kimia mokolo mpinzoli na ye ekotonda kiyongolo Kofi conforme oya papa na Mourinho na Rolls Kofi conforme oya ekwe moto ekwe bende seul avec tous. Nya butamana mama na zipete o, aza pena ba frère na ba sœur na yo, asimpa si na yende azara ki Joseph. Patika e na monde ya musique au risque à se perdre, nzoke zara ki passage obligé pour na élévation na yo, pour na ko défendre pe ko tombo la musique ya Congo. Pour subir la justice causée na jalousie na bino. Zoka zogi azama bere, bino boza banda koya mimi. Tremblement de terre ya musique, bozo lukamponinio. Kwana ezali dega péranger, pour la culture ya mboka. Kobundi sarwa ya tchacho, musique obligée. Ilata sukola ki maboko na sanite mporalia Ezala ki poapi ma inosora liwa ya Yezu Nara sukoli ya ngana fleur entre les deux Congo Kola ki sake na zate auteur ya malheur ya moto moko sur terre Na kena wapi mbobozo wa kimia Eske na keno vana na ngana maina koma voze ya mengu mengu Na me mapelia na bana poboti kala na kimia Alors bana ya chacho na nyako tikala na charge na bango Bako fifil bako fiet bana zibola Nga na kena wapi mpobozu a kimia Eske na kino vana na bango mba Weze ya eglo royal Na me mandi ya mpe bana Soki boko tikala na kimia Me alorba mina nana niako pesaka bango affection Mama mi mama rifa onkle risi Na niako konsole bango Tambulanga na ibinanga ke bokoya Na ba gerbe de fleurte kasina matiti ya nzube mawa Kola kisa kumye bo inanga ye Aezo ango jusqu'a la fe kuzala inkonye Suikse nanga ye uta e paye ya nzambe Na ba mouvement nanga, pa dribble nanga Ma yele nanga yangonde yusala na zala mupawa Aïe, ma révisée, Abba mouvement nanga, tchit, adrible nanga, maïele nanga, yamuli, salana, salali, quadra, yadra, yadra.